Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On a des enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Je fais de la zig pour 7, 77 ans. Le rap a mûri, je peux pas faire comme les Skyrocan. Qui irait foutre leur gueule pour une promo Starac. Après ta porno star, Babou s'y couche. Chacun voit le créneau au bout, veut y foutre ses babouches. Le vent souffle et couche les bambous. Du showbiz qui ne se relève pas et du coup. Trop de MC voient tout travers. Retourne M pour devenir les VC populaires. Ma pauvre musique fait beaucoup de titres. Me fait penser à une de ces connes qui fait des gosses sans savoir qui elle type. Lui a bourré le beat. Elle est libertine, aime les plaisirs et le libéralisme lui donne des rêves de riche. Le bon vieux tonton libéral qui déteste dans ses hommes. Du chauffe-coche, je baisserai jamais mon froc. Mais elle est déjà à poil devant un peu de chiffres et un peu d'or à l'ombre. Du capital, je me disais, rafu l'égoïsme. On a fait un porte-drapeau du banditisme. Alors, je me suis dit pop pour récupérer Spirit. Mais déjà des mags avaient foutu des strings et pas Kofi. Je préfère me dire Manuel ou Zahir. Au moins, je suis sûr que personne n'aidera y foutre son céleri. Je préfère un bon thé à un bon shit. Une bonne vibe à une bonne tweet. Un monde d'une femme à celui des strass. Moi j'ai pas de bande, je porte pas de masque. Les yeux enlèvent la bande, y'a pas de game, c'est du fantasme. Il vaut mieux qu'une arme, une brache dans les faits divers du journal. Pauvre musique, pauvre musique, pauvre musique, pauvre musique. Mon mode de vie n'est pas à vendre. Mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas si à vendre. Si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Aussi nous savons tous que personne ne guérit de son enfance, son enfance. Qui sur terre élève le mental des frères avec aussi des jerrycans de rire entre deux prières. Je comprends pas qu'on tise jusqu'à être mort vivant, pourtant le fait, c'est ça le pire. Même c'est la merde, hein. Mais nique tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras seul et que t'auras tout? Comment le règne se déchaîne, que les règles dégainent. Ils enivrent les fidèles d'une passion manichéenne. Et tu crois quoi que je vais dire que c'est à cause de l'État quand tu plantes ton frère? Est-ce que c'est Jacques Chirac qui prête son bras? Tu peux me voir faire mon fageur, mater levé du soleil, rien à foutre de la voix. Moi je suis libre dans le chouette, la beauté je veux l'épouser, le monde veut l'apaiser, pas grave. À la fin l'illusion c'est boire dans le verre de la vérité. Taouise autour du cou, quelques doha pour ceux qui du rouleau sont au bout. Je veux pas rapper 70 minutes de sourd. Faut transmuter le mal qui nous rend sous. J'ai fait beaucoup de mal par accident. Les axes, il est dans l'ombre du man en marche. Qui marche plein de bagages, d'échecs et maths. Le passé meurtrier, notre gage. Laisse-le mourir car c'est maintenant là, là tout de suite. Que vivent les braves. Si t'as la nouvelle, tu veux écrire la page. J'ai des stylos, t'as des feuilles. Viens, on va faire un passage. Pour tous, y'a de la place. Si seulement si tu donnes, reçois. Et le partage. Tu veux des sous, je te dis Inch'Allah. Qui n'en veut pas, mais fais-moi confiance. Ton manque reste l'amour, une chose qu'on n'achète pas. Moi je ne vis que pour l'amour. Je parle pas de celui d'une femme, je parle pas de celui d'un homme. Mais de saisir son ombre, trouver son âme, ça c'est de la bombe. Prends le contact, tu deviens mon esclave. Le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est être sincère envers soi-même. On m'aime comme on déteste pour ma franchise, ma sale façon de dire. J'ai pas le temps de mentir. Ma plume est vachement franche et franchement vache. Mon bureau est à chantier de lyrics. J'ai beau ranger, tiroirs se remplissent. À l'image de neurones gavés, de neurotransmetteurs. Le cerveau en séquenceur. Je suis sous le courant de mes synapses électriques. Peu de relax en ces moments, car sur la chaise elle crie. Si je fouille un peu, j'ai trouvé des thématiques. Des bribes de pensée écrites en attente de musique. Comme ce passage sur ce que le hip-hop rejette. Style homosexuel, mais depuis quand on veut aux gens qui s'aiment? Oh, comment osent-ils transgresser un tabou dans une musique anti-tabouille? Et ça y est vraiment fou, je suis honnête. Je dis toujours ce que je pense, c'est pas ce que tu veux entendre. Moi me taire, ça serait mal me connaître. Dans ton shit, mais du paplard, tu me parles de politique. Mais si on avait 10% de leur pouvoir, on serait de vrais fascistes. Si t'es une légende, mec. On serait de vrais fascistes. T'appelais animal. Moi, je pense que j'étais un esclave. Tout ce que j'ai fait, c'était tuer des hommes qui me ressemblaient. Tu sais pourquoi rien ne changera dans les rues? Parce que tous ceux qui ont voulu changer des choses, tous nous les avons tués. Moi et des mecs comme toi, on les a tués. Ma génération l'a fait, et ta génération l'a fait. Ta mentalité de quartier m'a rendu plus dur qu'un rock. Les autres, rien à foutre, qu'à en devenir un vrai misanthrope. Tous les jours c'est l'automne, on se rue sur ce qui rayonne. Ton rayon de soleil te sera volé par un de tes potes. Les lois de la rue, pss. J'y pisse dessus comme ton mur avec ton blaze. Marque le passage ton imposture. Dans ta rue, je suis qu'un béton comme toi, pauvre con. Je suis pas du genre un bad pour un code postal. Une réputation, pourquoi pas pour ses vices. Et se friter pour une place de parking ou deux. Qui défécra le plus gros étron. De toute façon, il y aura toujours d'artampion pour en découdre. Des médecins pour te recoudre. Y'a même si la pète de poudre ne fera pas un homme à terre. On s'arrête si on respecte l'humain, se respecte. On devrait même pas commencer, mais y'a toujours plus éprouvé. Il faut doser. J'ai toujours préféré faire un max de sport plus que de tenir bloc, tirer sur de la dope. Bater d'un œil, pervers le cul des meufs. Y'en a qui pendraient même sur celui de leur petite sœur. Ulysse, Ulysse, attache-toi au mât avant d'entendre le chant des sirènes. En temps de crise, se coucher les oreilles est peu possible. Trop cher sont les boules de scie. Dans l'artifice, les pauvres rêvent. Ceux qui baissent sont ceux qui baissent. On n'est pas des mécènes, même avec des bagues, ta cam, des liasses. T'es pas de leur monde, arrête. T'es plus riche que si personne t'achète. Tout le monde a un prix, moi je dis que tout meurt, tout crève. Surtout les guirlandes et étincelles. Ça cache souvent la misère humaine. Des cœurs en berne qui baignent dans les superflus du système. Les puissants nous pissent dessus. Et pourquoi ils s'arrêteraient tout souché, la bouche ouverte à avaler? Dans quel monde on considère un valet? Ferme ta gueule pour commencer, ouais. On leur pètera les couilles après. Les puissants nous pissent dessus. Et pourquoi ils s'arrêteraient tout souché, la bouche ouverte à avaler? Dans quel monde on considère un valet? Ferme ta gueule pour commencer. On leur pètera les couilles après. J'ai toujours préféré faire un max de sport. La boxe a ça d'énorme, elle t'apprend à être fort. Tu peux subir toute une rencontre, en prendre plein la tronche. Et sur un compte, l'emporter au dernier round. Au dernier round. Au dernier round. Au dernier round. Au dernier round. Au dernier round. Au dernier round. Au dernier round. Au dernier round. J'ai rien de carry, même pas le blaze anglo-saxon à l'angle des salcons. Ici cela joue bling bling, tout le monde veut s'en sortir, c'est bien. Mais par la frime et l'exposition de ses biens. Regarde tes frères, outre-Atlantique, à force d'être victime du système. Ils en sont devenus les garants, c'est ça le problème. Jadis la politique, ghettoïste la populace, ils libéralisent le trafic de narcotiques. Dans les endroits pas chic, tous drogués, puis tous clichés par des MC gangstérisent, gang du bis. Quand l'appétit sort sa chatte, tout le monde veut la bouillave. Y'a pas d'effet de surprise, je ne fais que raconter les vérités de la palisse. L'avenir fait pâlir, pas besoin de sortir, de s'insir, que dire. Tu peux me parler de Grenoble, Paname, je m'en tape. Que ta vie crème plus que la mienne, dans un sens tant mieux. Depuis quand les gens qui vivent dans les problèmes, j'ai dû me tromper de planète. Et si c'est but, alors pourquoi tant on écrit des sans plaigne? Encore une contradiction humaine, décrire sa personnelle et de points qui la restreignent. Valoriser ceux qui nous freinent, c'est bête. Mais les mentalités personnelles, l'homme bon, un homme con, l'aura du mal, leur fait de l'ombre. Frappé le premier à dire, respect pas à clé, c'est vrai. Jusqu'à plus ouf que soi, ou plus peureux. Dans ce domaine, on reste dominé par nos instincts. Bah, qu'est-ce que tu veux? Il ne s'agit plus de voir plus loin de son nez, mais de ses yeux. Et au-delà, y'a Dieu. Je suis autant positif que négatif. Je sais autant caresser que foutre des gros gifs. Sans blague, il rappe de plus être mal. S'il voudrait m'apprendre comment la mettre. Avec des sissis, la famille se permet de faire. Les modestes frères que le temps ont mis de faire naître. Laisse faire les choses, je m'en branle de vos codes et pas mal de vos modes. Je trouve vos streetwear hip-hop bien cher pour une populace sans arrêt en poche. Un type des quartiers populaires fait un suite pour un type des quartiers populaires. Tout reste logique sauf le prix. Bref, encore heureux, la vie ne fait pas l'homme. Ah merde, apparemment beaucoup pensent le contraire. Sa pipe paraît kiff-kiff, le clonage est demi. Dans une société visuelle, vise à avoir du style. Sans vraiment chercher à se connaître, des préoccupations bien virtuelles. Tantôt le malaise est bien réel. De même que la victime trouve toujours son bourreau, le berger aura toujours son troupeau. Est-ce qu'on est condamné à servir tous sous ce même drapeau? Bien sûr que non, je connais des gens qui surpassent murailles de Jéricho me donnent de l'espoir en l'homme, même si j'en doute dans les prochaines secondes. On cherche le bonheur dans une boîte de Pandore. Je commence à croire au peuple le jour où les chaînes publiques resteront propres. Les mecs en place me traiteront de jaloux parce que je vis pas de ma zigalère avec ma camisole de fou. Parce que je veux pas serrer des bites, quoi. Tu veux du cash pour ton featuring? À ce prix-là, tu tailles une pipe ou tu fais tourner cette chose qui te sert de petite copine. Désolé pour toi, film échange de type. Surtout si celui-là se sent habité par une sorte de Mac. T'es lamentable, pauvre cave. Le plus triste pour vendre un disque, dis-je, pour qu'on écoute tes titres, si d'y associer des têtes d'affiche. Le public n'est pas curieux, laisse la culture aux businesseux. Tant d'inconnus méritent qu'on s'intéresse à eux. Mais le scud n'est pas fini, qu'il est déjà mort dans l'œuf. Que du bluff, y'a rien de concret. La pression de devenir un art abstrait. La musique, c'est piston, culasse et compagnie. Le reste, c'est juste la mandoline. Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas. Agressif, MC. Tu veux du bling bling que ça brille, MC. Avec groupie, passage télé, MC. Avec humeur et plein de billets, traîne du côté de l'Elysée, MC. Tu peux être pote à Sarkozy, MC. Ou de son armée de gros bandits, MC. Le fils vous attend réuni, MC. L'américanisme est votre patrie, MC. Tu devras arrêter de cracher sur lui, MC. Parce que du pouvoir t'en veux comme lui. Veux du respect mais la timérité, MC. Pour tous tu veux l'égalité, MC. Mais de l'estal tu veux le pied, MC. Y a pas de temps pour les regrets, MC. Mais tes titres ne font que le rechigner, MC. Prétends être un homme libre, MC. Avec la compète de biser clash des billes, veux réunir sous son égoïsme, MC. Unir pour des textes qui divisent, MC. Pour du buzz tu pourrais vendre ta sœur, MC. Tu buzzes, t'as censuré ton cœur, MC. Avec des si on met le monde en bouteille, MC. Dans la taille, la plupart cherchent leurs rêves, MC. Veux être écouté, aimé, MC. Sans même écouter, aimé, MC. Veux sauver tous les peuples en Afrique, MC. Sans mettre une thune pour combattre la famine, MC. Et t'as pas plus le gangster, MC. Entre Gang et Schmitt, il attend d'écrire des textes, MC. Ça vante une vie sous strophe, MC. Une grande gueule à mettre sur off, MC. Et un rebelle sous sa mur de marque, MC. Et un rebelle caché derrière un mic, MC. Une grosse mascarade en somme, MC. La faiblesse non avouée d'un homme, MC. C'est ta pauvre musique, MC. C'est ma pauvre musique, MC. C'est notre pauvre musique, MC. Pauvre musique, MC. C'est ta pauvre musique, MC. C'est ma pauvre musique, MC. C'est notre pauvre musique, Mike et des Mike, pauvre musique. De la pensée en esclave, je pourrais répandre ma peine sous tant de paragraphes. Des pages et des pages, ma peau dorsée par mes affes. Des Mike et des Mike, baptisés par ma crash. De la pensée en esclave, je pourrais répandre ma peine sous tant de paragraphes. Des pages et des pages, papier noirci par mes affes. Des mics et des mics, baptisés par ma crash. De la pensée en esclave, je pourrais répandre ma peine sous tant de paragraphes. Des pages et des pages, papier noirci par mes affes. Des mics et des mics, baptisés par ma crash. De la pensée en esclave, je pourrais répandre ma peine sous tant de paragraphes. Des pages et des pages, papier noirci par mes affes. Des mics et des mics, baptisés par ma crash. De la pensée en esclave, pourrais répandre ma peine sous tant de paragraphes. Des pages et des pages, papier noirci par mes affes. Des mics et des mics, baptisés par ma crash. De la pensée en esclave, je pourrais répandre ma peine sous tant de paragraphes. Des pages et des pages, papier noirci par mes affes. Des mics et des mics, baptisés par ma crash. Hey, le jour où mon esprit sera sensitif, j'arrête le rap, je te laisse à tes spliffs, ton beat, ton string et tes copines. Tu sais, je suis genre de mec qui s'en fout, que tu le kiffes ou pas. Alors je dirai toujours ce que je veux. Il y a pire que l'infamie des chaînes, c'est de ne plus sentir son poids. Vaut mieux être pauvre et libre qu'emprisonné et riche. Dans l'un plus que dans l'autre, y'a un prix qui ne se discute même pas. Pauvre musique, c'est juste la suite de musique de pauvre. Le concept reste le même, home studio et savoir-faire. Pour donner je donne, me sauras-tu recevoir? Chaque possession est un poids attaché autour du cou. Big up à ma main, Zoom Manuel, M. Doliak, Dame Dimonro, Simone Eric, Lilis Maen, Dissek, Yuri Casper, Little June, Macro, Elsa, Jean-Louis, Nini serait frère, bref. Messieurs et messieurs, et bien sûr ma famille, une zig de folie, où tous sont en thérapie. Moi je suis fou, mais toi t'es dans le déni, alors t'es pire que moi. Ouvre ton cœur, rien à faire des applauses, chacun cherche où sert sa cause, jusqu'à trouver le poteau rose. Yes, aïe, pauvre musique de pauvre, ça se fera toujours entre deux névroses.